et Mélé Alias, la clé de l'an 2000. Mangangae, advienne que pourra, car seul Dieu est le maître du destin de tout et chacun. N'est-ce pas, Prince Sainte du Chinalé? Fondation Mondele Tokotonga Potozalina Mapoki. Alain Saint-Pierre. Ludovic Kumba. Leclo Kaniki. Nord-Sud. Jean-Marie Bogato. Libreville. Tosala qui constate un écho de principe. La maison de production UPA, président Aladji Baba Vwama, Seguidance Monganga. Tatiana Lotina Boutou, Andamoto Babenaka, Michael Jackson, Jordan, mon maman colle le baki, moi n'a collé la minité, Ayopingeza, Kemba. S'il suffisait de se réveiller, un bon matin en devenant milliardaire. Kitoko, Mingi va se faire là. Disocolé la colle, la famille colonio, on s'en va à trouver. Isebola de London. S'il suffisait de se réveiller, un bon matin en devenant milliardaire. Kitoko. Big and Sumbu, Papi Dovel. Money, yo Monica, kayo komi papa wemba. Bienvenue ya, yo Monica, yo komi Olomide. Yo Monica, kayo komi Jibentiana, Alemakabato, Evansoni. Mais y'a pas tout le monde n'est pas créé pour être sa majesté. Yo kolo komo no rizo koko manasu koko simba moto. Y'a pas nzamba zali. Merci Alino. Le Hortense Ntelaye Babele Corine. La force terrestre Yoka Seyondo King Service Express Jean-Marie Moulatou. Lota yo kominga Kobo sana tero lota lilo balenzambe. Tout est possible à celui qui croit. Bako mana mongo babota mana mote Balukana malembe Tolo ete la. Séjour Bécard ici de London. Lota yo kominga Roger Boudiaka. Kobo sana tero lota lilo bayangolo. Tout est possible à celui qui croit. Mimi makanalele mama na Naomi. Colette Nzongo, Sagi Chanfa, Jean Pepito, Papito Kindo Die, Freddy Moma Yokama. Soro sur le RTI, les corps du village d'Abi Moubenga. Rachel Ma- Mateus, José Sansas, Julie Monka, Maître Le Mabé, Jackie Mounia, Papa na Marvin. Merci Tumbaé, Ricky Okito, Serge Ilouma. N'est pas détruire, mais construire. SOS, Fondation Mondele, Etienne Mondele, Mokili Mobimba. Afrovision, Lajitondo, Canada. Na mote mama oko na sena kolo mele sina bolingo yo na sana loko la soso soki ameli mai ate moto likolo ko asena mele sina yawe yo ke la mata Chernobyl et Mondele, yo qui maloba ya sec vidin ce moment. Okota la sambo pozo lobi kwa seko, okota na lola poyo kende likolo. Vie Fabien Makanalele, maestro Kanseyo. Kasi soki balobi okufa lobi, osiko banga nanya sepela na liwa. Ya mona sengiyo. Mama ben ezango mama Didas Pembe joli malo na lelite me na ebikaka oye bakake loin des yeux près du cœur oxygène sérine libre mieux yo kaleliya angelou e kaleliya bosalisa na Ton nom club à Libreville. Willy Tita. Mami Yolande, maman Nandessile. Je suis là pour toi. Tout est là pour toi. Mon amour plus qu'un sincère. Enfouis-moi dans tes bras. Je t'aime. Enfouis-moi dans tes bras Bolingo na yo etingami ngai Loko la soupu ya mosaka na elamba ya pembe Horizon Masamba, Night Club Maxime Je suis là pour toi Tout est là pour toi Mon amour Allez, Jabir. Enfouis-moi dans tes bras. 5, 6, 5, Jean-Jacques Ballon. Je t'aime. Enfouis-moi dans tes bras. Bolingo na yo et tingami ngai. lokola supu ya mosaka na elamba ya pembe koko malamba ya kela mata mwa mawa na sepe la pena kala pania sika koka kole loko ya ofele na pesio na mutema moko Joyce Malou de Kunta, I love you. Ils ont une portion de vérité. Ils ont vraiment maillé Emilia Lias, la voix qui cache. Brigitte Letial, Chantal Moussamba, Berthe Moussolo, Banque de France. King Fred Service, Boda Boda, London. Chala nanga, oye bike bato baka mwaka Obo lingwa ya nga inaya Eza la kikutu chala soki tongo na nite mama Maiwa ya mote mebonga tere Kasi oye baka bosa na yo esi la kinga jena mote ma Lelo komi koki makangai Hôtel Atlantique Nad à Libreville Marie-Claire Chameau Restaurant Vin de Pâle Aya Yogo Toye Mbako Ah, c'est bidin ce moment-là. On n'a jamais autant respecté la nature de la musique. Maman Della. Action Zakoto Ibrahim et Matingo Stati Dadi Lichanda. Kams Bedou. DG Paul Makela, Jean-Marc Nzita de Suisse, Gilles Lé Emporio, Valérie Lusano, Gabin Zingma, Docteur Aimé, Christian Kabassel de London, Afrique Promesse, Yvette de Vicky. Jérémy Kabengé. Na évite papa, yola nini ni poye moi si ma pendele. La sa komi tout n'angola, sa la kini ni tena bolingo na biso. Mon ale li le li ma wa na ngae. Kani ange bolingo na kabela kina ngayo nde motema nanga na kanisa ke kozungi sela ngande la mulwe ya bien kasi na zali komona le contraire ya makambo ya mochi na lele ino lele yo kakolela ya noko Dember Jacques Bouvrac Annie Dembo Aquarium Eric Dola Omba Lumumba Dada Kambaji Bijou Mobumba, Patou Bombole. Bob et Maswa, Ricardo, Manoulou Vaka. Modengeni, le grand Basman. Le grand phénomène Alain Barakuda, Papi Kapenda, Jimmy Bamanisa, Roger Niwa, Yangana, Somi Somi, Daï Pako, Mapelengue, Dadin Poko et Tepe Bwengo. Chancy Lucien, c'est la king à la yoto, mais la tape liée. Rambo Pembele, mon assuie d'exception, et pessing à l'exon. Postem Madouli, mon calomnie faillé, et pessing à l'exon. Ouf, un bout d'abord, mon jalousie, et pessing à l'exon. André Chamoué, Malasukia, Wabina Takamara. Joseph Kambala, Babi Kambala. Mon kili tungi, sa mate pour n'abat pas. Docteur Lewis. nako belela o ma ki lele la na te bona ba so la mure ko mi ko ma la ne ka sa ma ya ti o belela o na kolela na mama wa ya so mi e chama kon si ta e na kolela na mama wa ya pa si e pol ma ke la mina na kolela na mama wa ya so mi e ba ba ba ba ma ke ngo ma mi la du so Jeanne souffert ou y gamme ma Claudiciaire RFI Rinole la pesa ma toukou ya kita Oya mati ma pole le jama Jibele pole ba moutia mino Sami wa dito Pole le jama toutou mwa ba moutia mino Pole le jama Dama dama dama dama dama Ali mati jamo Dajoulou Yavaşça. Yemem peşinde pişer. Andrengando Pepe Fili Ale Makaba Nene Kaku El Sanchero Ole Wanda Direnge Koyoka Pito Vida Sasa Yambogo Yamwara Et salta, vamos. Jim Bunga, Félix Jamani, Resda Casquito, Yoka Rumba Ogu, Flavien Kibeti, Emile Zola Okito, Charles Kabouya, le sultan de Parigo. Kalubi, Germain, Kimbeni, Amisi, Kimbeni. Jeto Sigalo, Elana, Sergino Diangani, Boyo Mumba. Kabouya embouteillage, exo musique chez Babs, du papy, de Terre. Charles Kabouya, le sultan de Paris. Gabi le poké. Babina, cano cigano, la cola la te foutu mobi, va tout ici en ayo. Yelanga, Asta Mouima, Belinda Mouima. Motima, écoute tout à quoi le babadi. Odette cigano, rifin koi, poko pala autre chose. L'expression de la beauté africaine s'exprime à l'ouka. Willy Kadiata, Pichu Loboko. Yo ngeni samote mamwa ngai lokola na mote maye ba mbo Monsu ni mobi makala libanda So kilo po so monzo kie ba Tovale pa kamino na ete ka singa ya wa Nanti kalina la ese kolela Liko chenye Martin Kabala Ya mwe komela mama la tinga la zwa kateo Kamboya moya boli mweleki na chance ya kaka te e panana ko nasela kaka momo susu bai kaka te tu mama sikini jamau ya mwe komela na maladi kana so akateo likamboya moya boli mweleki kali ko chance ya kaka te e panana ko Serge Massengo, Tony Lelo de Zurich. Michel Elodama Naina Salanini Bona sua kate ona se la kanza mesemo kolo ya Oyo ya we apone la haya Kwa sua ba mengo ligo Lile lile jenye Na se la kawo Lo mas mambwene Yeah. la clé de l'an 2000, c'est moi, Emily Alias. Moi je suis mamie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine là où moi je suis mamie. L'amour moi parti pour l'argent, ça ne vaut vraiment rien. Ça ne veut vraiment rien là où moi parti pour l'argent. Là où moi j'y passe la nuit, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas là où je passe la nuit. Ce qui tient de ça la régie des zones des maillards. voici bakata popo lelele qui est pas tu me loupes le silence d'or chaque kichi j'attends condamné à mort papé saka isha salo batali lo basuka ma poutou kasi judicia vient j'ai droit les mon en souhaité popo lelele qui est Chantal Pano Bidjan Bombo, les grands prêtres au carré. Serge Kassan dans les familles. Prochain pour pas maillot jaune. Chaque qui tient la maille. Ma salle est mini. Pour la bien bolingo et amour. Les foutes mini. Pour les enfants des valeurs. Mathieu Pumba. Maman, Bodala, Aébi sans la moine, mon kilo est compliqué. Mais il faut que la peine à mon amour. Maman, pour souhait, oh maman, qu'il y a maman, bé. Yeah. Sois nos raisons, yeah. Ma. Asala Kalaya, Baba Kamango. Merle Cano, Jeannot Cano et Eli Makate, elle donne au gaz. Monte me voye à Kamango, Rebe Kote, Rebe la Kamine sur un café, Prino Yote. Isso.